notre véritable repos, dans notre sabbat en nous les chrétiens, qui est entièrement différent du repos ou du sabbat de Juifs, là nous ne nous reposons pas des œuvres de la chair. Ok, mais nous nous reposons du péché, de nos œuvres du péché. Il est matendo et tu as zambi. Voyez bien mes frères. Non, nous ne reposons pas des travaux de la chair. Okay. Pour que tout le monde comprenne. Nous ne reposons pas des travaux de la chair. Les travaux que nous faisons, que nous accomplissons tous les jours, pour maintenir notre corps en vie sur cette terre, comme Israël faisait. Non. Maintenant, nous nous commençons dans le baptême du Saint-Esprit à nous reposer des œuvres de la chair, c'est-à-dire du péché. Est-ce que l'Église est avec nous? Est-ce que l'Église est avec moi? Je reviens. Dieu a eu son repos après la création, le septième jour. Maintenant, quand Israël est venu, son peuple, il lui a imposé un jour de repos, un sabbat. Dans ce jour, Israël ne devait pas travailler ou faire n'importe quel travail pour se maintenir en vie. Vous voyez bien mes frères, il ne devait pas le faire. Il ne devait pas travailler pour sa survie. Le septième jour, après avoir travaillé 6 jours, il s'est reposé de tous les travaux qui lui permettaient de vivre dans ce corps. Maintenant, il y a un repos pour les chrétiens de la nouvelle alliance, l'alliance sous le sang de Dieu lui-même. Le repos pour Israël, il était sous l'alliance de sang de bouc et de taureau. Mais notre repos, c'est sous l'alliance du sang de Dieu lui-même. Pour Israël, il se repose des œuvres qui contribuaient à leur survie sur cette terre. Il travaillait 6 jours et le septième jour, il se reposait. C'est ce qu'il appelait sabbat. Et pendant ce sabbat, il se rappelait aussi que Dieu avait travaillé 6 jours et le septième jour, il s'était reposé. Et Israël ne pouvait pas faire quelque chose. Maintenant, pour nous les chrétiens, l'alliance a changé. Nous ne sommes plus sous l'alliance de bouc et de taureau. Maintenant, Dieu nous a donné notre repos. Notre repos sous l'alliance du sang de Jésus-Christ, du sang de Dieu lui-même, c'est le repos des œuvres de la chair, les œuvres du péché. C'est le repos de l'âme. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous nous reposons des œuvres de notre âme, les œuvres du péché, les œuvres de la chair. Oui, bien mes frères et sœurs. Oui, bien mes frères et sœurs. Donc, nous nous reposons de cela. C'est ça notre repos. Voilà pourquoi Dieu nous scelle dans son corps du Saint-Esprit pour que nous nous reposions de nos œuvres du péché. L'homme ne fait plus son propre travail. Il n'accomplit plus ses désirs, ses passions, sa volonté. Bien aimé mes frères, il ne travaille plus pour son orgueil. Non. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi, si nous prenons l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, suivez-moi très bien. La loi donnée à Israël sur le sabbat. Sheria ile bapatia Israël yuru a sabbat. Ce qui lui était interdit. Ile bar mukataza. C'était de travailler pour soi-même. Ilikuwa ni njoo kutumika juu yake. Dieu n'a jamais interdit. Ayakatalaka. À Israël. Ayakatariaka Israël. Le jour du sabbat. Siku ya sabato. De faire le travail de Dieu. Kutumikia Mungu. Ou l'œuvre de Dieu. Wala kazi ya Mungu. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendo. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendo. Vous voyez bien-aimé frère. Unaona ndugu. Je répète. Minarudia. Dans le sabbat d'Israël. Mu ile sabato ya batoto Israël. Ce qui était péché. Il est quoi zambi. C'est travailler pour sa propre survie. Ni kutumika nju yako wewe mwenyewe. Mais dans le sabbat. Mais lakini mushiku ya sabato. Il faisait l'œuvre de Dieu. Kama ulianza kutumika juu ya Mungu. Là il ne péchait pas. Bala bakwanze kutenda zambi. C'est ainsi que vous remarquez. Mutaona kwamba. Dans l'Ancien Testament. Mwagano za kale. Les sacrificateurs. Bakoani. Les Lévites. Walawi. Et certaines personnes qui étaient attachées au temple peut-être la mais le jour du sabbat ils pouvaient aller au temple pour prier kuomba, ça ils ne brisaient pas la loi de Dieu Mungu. Ils ne pouvaient pas être châtié. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Dans le sabbat. Ce qui était interdit par la loi de Dieu. C'est faire un travail pour soi-même. Pas pour Dieu. Travailler pour soi-même. Est un péché. Là on devait vous tuer. On devait vous lapider. Mais quand on travaillait pour le Seigneur. Là on sanctifiait. Même le jour du sabbat. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Il n'y avait pas de transgression. Quand on travaillait le jour du sabbat. Là, on accomplissait les commandements du Seigneur. Il n'y avait aucune loi qui était transgressée. C'est là. Où les pharisiens n'ont pas compris le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus guérissait les malades, il disait, toi tu as un démon, parce que tu brises le sabbat. Lisons un peu cela. L'église est avec moi. Fais un travail personnel. Fanya kazi ya kipeke. Le jour du sabbat. Siku ya sabato. C'est un péché. Ni zambi. Vous transgressez la loi de Dieu. Unavunja sheria ya Mungu. Mais le jour du sabbat. Lakini siku ya sabato. Fais l'œuvre de Dieu. Ufanya kazi ya Mungu. C'est accompli. Ilikuwa ni kutimiza. Un commandement de Dieu. Amri ya Mungu. Et là. Na pale. Il n'y avait aucune loi. Akukwe sheria tamoya. Il était transgressé. Ilianza kuvunjwa. Jean chapitre 7. Yohano saba. Dans son verset 21, mustari yake ya makumi mbili na moja, vous pouvez commencer même au verset 10. Unaweza kuanzia hata mustari yake ya 10. Mais moi je commence au verset 21. Lakini mimi naanzia même au verset 20. Hata la foule répondit. Kunja watu bakajibu. Tu as un démon. Wewe kuna mademona. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Nani afia kuwe? Jésus leur répondit. Yesu akabajibu. J'ai fait une œuvre. Nous n'avons pas kazi. Et vous en êtes tous étonnés. Namo bote muna shanga. Moïse vous a donné la circoncision. Musa alimpatia kutahiriwa. Non pas qu'elle vienne de Moïse. Aina kusema itokea kwa Musa. Car elle vient des patriarches. Nuna tokea kwa babu. Et vous circoncisez. Namo muna tahiriwa batoto yenu. Un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin d'accomplir la loi de Moïse, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Vous voyez? Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Vous voyez, les Juifs circoncis quelqu'un le jour du sabbat pour accomplir la loi de Moïse, ce n'était pas un péché. Mais quand ils ont vu Jésus lui guérir quelqu'un le jour du sabbat, ils l'ont condamné. Il dit qu'il violait la loi. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Commençons au verset 2 jusqu'à 8. Tunanzia kumusare kia pili. Nous disons, nous lisons ceci. Les pharisiens voyant cela. Commençons verset 1. En ce jour-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent: voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Vous lirez cela dans 1 Samuel chapitre 21 verset 5 à 6. 1 Samuel 21, 5 à 6. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qu'il te permet de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte, sans se rendre coupable? Oh, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Vous voyez bien, mes frères, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'y aurez pas condamné des innocents. Car le fils de l'homme est le maître du sabbat. Dans Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6. Luca sura sita. Commençons verset 1. Tuanzie mustakia kwanza. Verset 1. Mustakia kwanza. Vous pouvez aller jusqu'au verset 12. Unaweza ta kwenda ku mustakia 12. Vous voyez. Unaona. Luc chapitre 1. Luca verset 1 à 12. Il arriva le jour du sabbat. Akafika siku ya sabato. Appelé les secondes premiers. Kisha que Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples arrachaient des pis et manger après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur disent: pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce qu'il fit et David lorsqu'il eut faim? Vous voyez, vous allez continuer jusque là à la fin. Dans le verset 6, il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Voyez, il enseignait le jour du sabbat. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Lesquive les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était enfin d'avoir sujet de l'accusé. Mais il connaissait leur pensée. Parce qu'il était Dieu. Et il dit à l'homme qui avait la main: lève-toi, tiens-toi là au milieu. Il se leva et s'était debout. Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou d'en tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étant ta main, il est fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et il se considère pour savoir ce qu'il ferait de Jésus. Vous voyez bien, mes frères. Il a fait cela. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. On offrait. Vous voyez? On prêchait. On guérissait les malades. Quand on guérissait les malades, il n'y avait aucune loi qui était brisée. Pourquoi? Parce que on faisait l'œuvre de Dieu. Prenez nombre 28. Nombre 28. Et Sabu 28. Nombre chapitre 28. Et Sabu 28. Verset 9 à 10. Moustara qui a tissé. Nombre 28. Et Sabu 28. Nombre 28. Et Sabu. Verset 9 à 10. Le jour du sabbat, vous offrirez des agneaux d'un an sans défaut. Et pour l'offrande de l'offrande de dixième de fleurs de farine, pétrie à l'huile. Na sadaka ya ilengano yenye kuchana. Farine. Ngano. Farine bunga. Bunga. Pétri à l'huile. Avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat. Outre l'holocauste perpétuel et la libation. Notez cela comme le temps file. Deuxième roi chapitre 11 verset 5 à 9. Deuxième roi 11, verset 5 à 9, et deuxième chronique chapitre 23, verset 4. Donc, pour ce qui est du sabbat d'Israël, quand Israël faisait l'œuvre de Dieu, cela n'était pas interdit. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Maintenant, pour nous aujourd'hui, notre sabbat n'est pas samedi, n'est pas dimanche, n'est pas un jour de la semaine. Nous sommes dans un repos éternel. Nous sommes dans un sabbat éternel. Dans ce sabbat, nous reposons de nos œuvres de la chair. Vous voulez savoir quelles sont les œuvres de la chair? Galates 5, à partir du verset 20, descendez en bas, jusqu'en bas. Vous voyez bien, mes frères. Nous reposons de nos œuvres de la chair. Nous reposons de nos péchés. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous trouverez le repos de vos âmes. Notre sabbat est lié au repos de notre âme. Lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous entrons dans le repos, dans notre sabbat, dans notre repos. Nous reposons du péché. Nous ne faisons plus notre désir. Vous voyez bien, mes frères, nous n'accomplissons plus notre volonté. Mais en étant dans le sabbat, en étant baptisé du Saint-Esprit, nous devons accomplir les commandements de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, cela n'est pas condamnable. Non, nous sommes à l'œuvre de Dieu. L'Église est avec moi. Parce que là, c'est un commandement que nous accomplissons. Nous ne faisons plus nos propres œuvres. Ce qui est condamné, c'est vivre dans le péché pendant que vous avez les repos de l'âme. Parce que dans les repos de l'âme, nous nous reposons de toutes nos œuvres de la chair. Lisons un peu Galates. Je vous prends quelques minutes. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je commence au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Dans les repos, nous ne faisons pas ce que nous voudrions. Nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez? Voilà les œuvres auxquelles nous nous reposons. Et quand nous sommes baptisés dans le corps de Christ, le sang de Christ est imposé sur nous. Nous sommes au repos dans notre âme. Et nous ne pourrons plus vivre selon la chair parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Vous voyez? Et l'Esprit fait mourir en nous les œuvres de la chair. Vous voyez? Et maintenant, c'est l'aide du Saint-Esprit. Nous obéissons à toute la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Renoncez à vous-même. Renoncez au mensonge. Renoncez à la colère. À la limosité. Renoncez à la méchanceté. Voyez. Renoncez à l'adultère. Quand vous renoncez à l'adultère, vous n'êtes pas sous la loi. Ce n'est pas le légalisme. Non. Vous accomplissez les commandements de Dieu parce que vous êtes obéissant. Vous voyez bien mes frères. C'est là où même les frères de la Nouvelle Lumière sont tombés. Oh non, on ne fait rien, on est déjà dans les réponses. Vous voyez bien mes frères. La parole de Dieu est prêchée. Vous êtes apportée. C'est pour la mettre en pratique. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas la loi que vous accomplissez de l'Ancien Testament. Ce n'est pas votre propre loi. Ce ne sont pas vos propres œuvres. Mais vous êtes au service de Dieu. Vous accomplissez la volonté de Dieu. Vous ne faites pas ce que vous voudrez. Mais vous faites ce que Dieu veut. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Et là, vous ne brisez rien. La loi de Dieu. L'Église est avec moi. Ce qui vous est interdit, c'est vivre dans le péché. C'est d'accomplir ta propre volonté et en dehors du péché. Mais quand vous vivez la parole, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et vous ne brisez pas notre repos. C'est pourquoi dans Hébreux, pour terminer, Hébreux chapitre 4, permettez-moi que je termine. Hébreux chapitre 4, je peux lire. Allez lire cela, c'est trop long. C'est trop long. Commençons au verset 1. Allez jusque dans le verset 11 qui parle de notre repos. Lisons cela parce que quand vous allez lire, vous ne lisez pas. Lisons cela. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraît s'être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je girai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voyez, il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Il est accompagné jusqu'à car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le septième jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans leur repos. C'est Israël. Ce sont les Juifs. C'est pourquoi il dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Chikutena, un jour, aujourd'hui, voilà le troisième sabbat qui nous concerne. En disant en David depuis longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc entrer dans ce repos afin que personne ne tombe ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est pourquoi vous voyez le verset 9 et le verset 10 est très clair. Pour nous, le peuple de Dieu, suivons-nous dans la nouvelle alliance. Contrairement au repos de Dieu et au repos au sabbat d'Israël, il y a un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Dans ce sabbat-là, car celui qui entend dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous voyez bien, mes frères, vous voyez bien, mes soeurs. Donc, quand nous nous reposons, quand nous entrons dans le repos, dans le baptême du Saint-Esprit, nous ambiez tout, Joe, Ikonashimama, qui s'arrête. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Désir est à Zambie. Notre ma passion est à Zambie. Péché, à la compassion du péché. À la volonté de commettre le péché. Dieu l'a ôté à nous. En nous. À travers le Saint-Esprit. Nous avons, c'est ma soif de faim d'accomplir la volonté de Dieu. De vivre la parole de Dieu. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous ne brisons pas la parole de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Que personne ne t'empêche. de vivre la parole de Dieu. Oui, sinon la mort. Vous avez des lois, vous avez des chérias, vous avez des chérias. Non, c'est faux. C'est qui ont refusé la parole de Dieu. Ils font leur propre volonté. La femme appelle Ziabo Benyemo. Regardez les femmes aujourd'hui. Elles sont en train de se maquiller. Vraiment des prostituées. Avec des mèches vertes, des mèches bleues, des mèches rouges. Oui, mes frères. La plupart de ceux qui sont en train de ces enseignements-là, qui pendent et qui n'aiment pas, déjà abandonné les églises catholiques, sont rentrés dans le monde. Et les autres sont en train de se déverser dans l'église catholique. Pourquoi? Ils ne sont jamais entrés dans le repos de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Sinon, ils ne comprendraient pas mal la grâce de Dieu. Celui qui est dans la grâce, il est dans le repos de Dieu. Il se repose de toutes les œuvres de la chair. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mais pardonnez, j'ai pris 15 minutes. Vous avez compris. Oh non, vous avez des chéris. Quelle loi? Voilà, t'enseignes, tu dois t'habiller correctement. C'est quelle loi qu'on te donne? Paul anasema. Paul dit. Les femmes. Habillez-vous décemment. Mais toi, tu t'habilles pas pour Eshima. C'est quelle chéris? Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes sœurs. Ouais, ma sœur. Il n'y a pas de chérie à commettre. Toi, tu prends la bière. Ouais, non, c'est maintenant une chérie à entendre. Tu veux faire ce que toi tu veux. On a peine à faire un kilo, on a peine. Ce sont des signes qui prouvent que tu n'es même pas encore sauvé. Il y a quoi scellé en Christ? Tu n'es pas encore scellé. Nous qui sommes entrés dans le véritable repos, nos âmes sont scellées dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus les désirs du péché. Pourquoi? Dieu a ôté à nous les désirs du péché. Il est ni à Zambi. Désir à Koutouchi Bantou, à citer les gens, de s'imiter contre les gens, de parler en mal. Ce n'est pas encore à nous. Il n'y a que l'Esprit de Christ qui accomplit la volonté du Père. Alors vivez correctement. Ça, si la parole de Dieu vous enseigne, arrange tes cheveux décemment. Non, ni ma loi. Ce sont des lois. Non, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Le voile que Dieu a donné à la femme, c'est sa chevelure. Et la chevelure, lui a rangé correctement. C'est tout. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu nous as donné un véritable repos. Le véritable sabbat dans le corps de Christ. Seigneur, que les frères et les sœurs soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils expérimentent le véritable repos de leurs âmes et qu'ils n'accomplissent plus jamais leurs désirs. Les désirs de la chair, la convoitise de la chair, l'amour du monde, que cela soit complètement ôté à eux. Mais au nom de Jésus, engendre en nous l'obéissance à toute la parole, la mise en pratique de tous tes commandements, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons bien aimer Père Céleste vivre une vie sanctifiée. Car nous vivons ta parole, nous te sanctifions et nous sanctifions notre jour de repos. Merci Père. Bénis les frères. Bénis les sœurs. Bénis les conduits de cette église. Bénis les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Tuna komba hivi. Amen. Amen. Venez, mzee. J'ai pris du temps. Mina, tu crois que...